danses seul sur une aire mélancolique. Je me demande quand nos rêves nous ont quittés. Voudrais-tu avec moi encore danser? Tu es parti dans la mélodie. Sais-tu comment on revient à la vie? Sais-tu comment du cœur le son jaillit? Malgré ta grâce, tu es las. Hélas, il vaudrait mieux qu'on meure. Chacun de notre côté. Tu danses seul. Chante à tue-tête un refrain usé dont les mots ont perdu leur sens. Quand il reprend goût, tu retombes dans l'insouciance. Tes yeux me fixent, jaillissent des milliers d'étoiles. Tu te souviens quand nos rêves ont quitté. Et tout cet amour qu'on a gaspillé. Malgré ta grâce, tu es las. Hélas, il vaudrait mieux. Cette air mélancolique, on se serre si fort que l'horizon s'enflamme. On ressent de nos cœurs le sang jaillir.